l'agonie, livre 3, chapitre 6. Ah, l'efflorescence du sentiment se poussait en Madée, mais avec des contradictions terribles de son organisme, à la fois mâle et femelle, et l'aube ombrait abominablement de fleurs noires, aux pétales noirs, dont il eût voulu couper les inextricables tiges de mort. Jadis, il répudia Attilius, et maintenant, lui revenait son souvenir mêlé à celui d'Attilia, comme si entre le frère et la sœur, un combat se fût fait de sa possession. Et il ne savait qui choisir, en l'obscurité de son âme, d'Attilia ou d'Attilius. Les trouvant, oui, les trouvant égaux pour sa faible sexualité, surtout pour un besoin d'aimer morbide qui le travaillait en dedans. C'est que la nature en lui se doublait, grâce à une naissante androgénéité qui poussait timidement, en organes aux racines épanouissantes à peine décelés. Et son cœur se surprenait à des bégaiements de passion à la fois pour Attilia et Attilius, non de chair, tel qu'il l'ait connu, mais d'idées pures. Tous deux se déformaient en un éloignement intérieur, au point que, hormis les traits généraux, ce n'était plus eux, mais un homme, mais une femme, même l'un et l'autre en un seul, qui était l'androgyne du Primicerius. Très sensitif, parce que très maladif, Madée se frappait des moindres mouvements de foule, des moindres rumeurs du Tibre, des moindres déplacements de nuages au ciel. Il se sentait malheureux et, triste, il enviait sourdement la quiétude de Gaël, la confiance mutuelle de Zal et de Sévéra. Même l'ardeur à vacciner de Maglo et à bavarder de Skebaos. Rien de très clair ne se présentait à lui. Pas une femme, pas un homme, pas un nouveau genre de vie qu'il l'eût refait entièrement. Il eut le hasardeux vouloir du baptême. Ces chrétiens si heureux, Christos ne les faisait-il point tels par l'imposition des mains et le don des os? Il s'en ouvrit à Zal, qui le serra tendrement sur son cœur. Chrétien, tu l'étais avec Attilius, sans t'en douter, alors qu'en toi il recherchait l'androgyne. Tu es même martyrisé du Dieu qui a les deux sexes parce qu'il est le seul tout-puissant. Vous vous êtes trompés tous deux, mais les tentatives d'Attilius pour la reconstruction de l'unité, qui est Christos, t'ont sauvé sans t'en douter. Grandement mystique, il s'expliquait à double sens. Madée insista. Les eaux lavent les souillures du corps, et malgré tout mon corps est souillé. Oh non, répliqua Zal, la véritable souillure est d'âme et non de corps. Cette distinction nous sépare des autres chrétiens qui condamnent la chair pour laisser l'âme à ses impuretés. Nous, nous l'avons celle-ci. La chair se sanctifie par la grâce de Christos, par la foi en Christos. Madée eût voulu dire à Zal, « Et quoi, tu donnes toute rémission à la chair, et tu n'uses pas de Sévéra, qu'on dit pur avec toi. » Effectivement, c'était ce qu'il avait entendu souvent parmi les chrétiens qui ne s'en occupaient autrement. Mais, comme Cisal l'eût deviné, « Oui, mais nos deux corps n'éprouveront jamais les jouissances de nos âmes. Celles-ci sont supérieures à la terre. Nous ne voulons pas déchoir. Nous ne nous aimerions plus. Nous ne nous sommes jamais avoués cela, il est vrai, mais cela est en nous, en instinct. Comprends bien que si la chair se satisfaisait en nous, Nous redescendrions la perfection. Et puis nous n'y pensons pas, nous n'en voulons pas, nous nous y refuserions. » Il s'expliquait longuement, sûr de lui et de ses verras, avec une grande sincérité et une grande simplicité, confinant à de la divination. Revenant au baptême, il ajouta, en un vague éclair de raisonnement, qui laissa tout songeur madé, « Reçois ou non les eaux, tu es digne de Christos parce que tu es une créature de Christos, qui, du péché, veut aller à la perfection. Les eaux ne te conduiront pas sans les œuvres, et la foi et la grâce, le reste viendra. »